Si tu traînes assez tard, dans les tavernes malfamées qu'on trouve au fond des ports, tu entendras les vieux marins se raconter les aventures de deux femmes pirates intrépides. Audace et liberté, cela aurait pu être leur devise. Mary Read et Anne Bonny comptent parmi les plus fascinantes aventurières de leur temps. Malines comme pas deux, le coup de sabre rapide, elles ont écumé la mer des Caraïbes sur le navire de Jack Rackham, un autre grand pirate. Plus dur à cuire que ces deux-là, honnêtement, je connais pas. À moins peut-être d'être une pantoufle, ou bien une brosse à dents. Peu importe. Je vais à mon tour te raconter leur histoire, que j'ai moi-même apprise d'un vieux loup de mer qui avait beaucoup voyagé. Attention, nous allons maintenant pénétrer en territoire pirate. Ces gens-là sont surprenants. Ils jurent, ils crachent, ils volent, ils tuent. Ce sont des hors-la-loi. Quoi que tu entendes, même si tu es choqué, je ne veux pas te voir aller chercher ton petit papa ou ta gentille maman. Nom d'une chure de mouche, cette odyssée s'adresse au bandit des mers qui est en toi. Nous commençons l'aventure avec Anne Bonny, car, je l'avoue, c'est ma préférée. Sens-tu la brume épaisse qui vient de pointer le bout de son nez? Rassure-toi, c'est normal. Nous sommes en Irlande au début des années 1700. Anne Bonny est la fille de William Cormac, un type assez haut placé, et de sa domestique, Peg Brennan. En ces temps-là, ces choses-là ne se font pas. D'autant que William est marié. Dis donc, petit coquinou. Enfin, bref, l'affaire est délicate. Pour éviter le scandale, William doit fuir avec sa maîtresse et sa fille. Ils partent loin, le plus loin possible, de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique. Après une longue traversée de plusieurs mois, leur bateau accoste dans le port de Charleston, en Caroline du Sud. Nous sommes en 1710 environ. Il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Anne a un caractère bien trempé. Disons qu'elle ne tient pas en place et qu'il ne faut pas trop lui chercher des noises. Le soir, elle traîne dans les tavernes, elle cherche la bagarre ou l'aventure, elle ne sait pas très bien encore. Elle aimerait que quelque chose se passe dans sa vie, quelque chose qui soit étonnant et extraordinaire. Mais quoi? Une nuit, elle rencontre un homme pas franchement recommandable, un marin sans le sou, un peu pirate sur les bords. Il s'appelle James Bonny. Il lui promet une bonne dose d'aventure. Ce mot-là lui fait perdre la tête. Sans réfléchir, elle l'épouse. Anne et James mettent le cap sur les Caraïbes. C'est un endroit sublime à l'est de l'Amérique centrale. Imagine, une eau turquoise et transparente, rempli de coquillages, de corail et de poissons multicolores. Et dessus, flottant comme des petits paradis, des îles sublimes, bordées de sable blanc comme les Bahamas, la Jamaïque ou encore l'île de la Tortue. À cette époque, c'est un repère de pirates. On en trouve partout des bandits des mers. Ils attaquent tous les bateaux qui passent, ils récupèrent les trésors, ils se partagent le magot, ils sèment la pagaille à gogo. et personne n'arrive à les arrêter. Dès son arrivée dans les îles, Anne fait parler d'elle. Un soir, un vieux marin, saoul comme une barrique, lui barre le chemin. Crac, boum, zoom! D'un coup de sabre, elle lui coupe un petit morceau d'oreille. Bien fait. Il n'avait qu'à la laisser passer. Très vite, James se révèle extrêmement décevant. Il n'est pas du tout l'aventurier qu'il a prétendu être. Pire, il dénonce les pirates au gouverneur des Bahamas. Quand elle apprend la nouvelle, Anne est folle de rage. Un matin, juste avant le petit déjeuner, elle lui dit « Alors comme ça, ça t'amuse de jouer les traîtres ? Eh bien, vois-tu, moi, ça me dégoûte. Salut, mon petit bonhomme. Ou plutôt, adieu. » Elle lui crache au visage, puis elle s'en va. Elle a beaucoup mieux à faire. Anne veut devenir une authentique pirate. Mais comment s'y prendre ? En fait, il n'y a pas 36 solutions. Il faut rencontrer des pirates, des vrais, tout simplement. Et c'est ce qui ne tarde pas à lui arriver. Tu te souviens ? Au début, je t'ai parlé de Jack Rackham. Voici venu son tour d'entrer dans l'aventure. Jack Rackham est un pirate dont on parle beaucoup dans les Caraïbes. Disons qu'il a bien roulé sa bosse, comme on dit. Des bateaux, il en a déjà attaqué plein. Des butins, il en a volé par centaines. Ses poches sont remplies de diamants et de pépites d'or. Au moment où il rencontre Anne, c'est une longue histoire, mais il lui est arrivé quelques bricoles. Il a perdu son bateau et il a décidé de prendre sa retraite de pirate. Le tempérament fougueux de la jeune Bonnie lui redonne le goût de l'aventure. C'est de la sème d'un amour fou. Ensemble, ils ne parlent que de trésors, de poudre à canon, de batailles sur les eaux. Les mots, c'est très sympa. Mais Anne a besoin de passer à l'action. Elle prend les choses en main, elle lui dit « Jack, toi et moi, on est fait pour les grandes aventures. Il faut reprendre la mer et vite. Pirate un jour, pirate toujours !» Jack est d'accord. Malgré leur amour, lui aussi, il commençait à s'ennuyer. La première étape, quand on veut retrouver le chemin de la piraterie, évidemment, c'est de voler un bateau. Protégé par la nuit et par quelques coups de pistolet, il s'empare d'un joli petit sloop. Attention, je n'ai pas dit un slip, j'ai dit un sloop. C'est une sorte de bateau avec de grandes voiles qui peut aller très très vite. Il s'appelle le Revenge. Ensuite, il recrute quelques marins prêts à risquer leur vie pour la liberté et les pièces d'or. Direction ? Bah, ils ne savent pas très bien, ce sont des pirates. Ils vont où le vent les porte, et surtout les trésors. Pour ne pas trop attirer l'attention sur elle, Anne se déguise en homme. Elle se fait appeler Adam Bonny. Oh, ça fait tellement de bien de prendre la mer, de sentir le sel et le vent vous fouetter le visage. Dans le bateau, oh, c'est vrai que ça sent un peu le phoque pourri. Certains ont de très vilaines dents, je ne dénoncerai personne. Mais il y a une sacrée bonne ambiance. Les pirates ne sont pas que des hors-la-loi, avides d'argent et sans pitié. Ce sont aussi de très bons musiciens et surtout d'excellents buveurs de rhum. À ce stade de l'aventure, tu dois te dire, mais où est Mary Read ? Ne t'inquiète pas, Moussaillon, elle arrive, elle est en chemin. La bande à Rackham, comme on les appelle désormais, attaque tous les navires qu'ils croisent. Espagnol ou anglais, peu importe. Anne est toujours la première à sauter par-dessus bord pour donner quelques coups de sabre bien placés. C'est une excellente pirate, très respectée par ses camarades. En 1719, le Revenge navigue au large de la Jamaïque. Dans la brume vaporeuse du matin, soudain, apparaît un gros bateau. Et pas n'importe lequel, c'est un galion, un navire du roi George, le roi d'Angleterre. Ma parole, c'est leur jour de chance! Jack donne l'ordre de foncer sur le navire anglais. À l'abordage! Crient les pirates. Une demi-heure plus tard, oui, ils sont rudement efficaces, ils ont pris possession du bateau. À bord, il y a des officiers et des soldats du roi. Plutôt que de mourir, ils choisissent de rejoindre les bandits des mers. Parmi eux, il y a un certain Willy Reed. Il a de grands yeux verts et le visage couvert de taches de rousseur. Reed, en anglais, ça veut dire « lire ». « Chic !» se dit Anne. Il va pouvoir m'aider à déchiffrer les cartes. C'est ainsi que Willy rejoint la bande à Rackham, la terreur des Caraïbes. Willy Reed, Mary Reed. Tu as deviné, n'est-ce pas? Willy n'est autre que Mary, la seconde grande pirate de cette aventure. Comme Anne, pour naviguer tranquillou sur les mers, elle s'habille comme un homme. Les pirates Reed et Bonnie s'entendent à merveille. Elles ne tardent pas à découvrir leur secret commun. Elles éclatent de rire. Cela renforce leur lien. Les deux femmes sont proches, très complices. Il paraît qu'elles tombent amoureuses. Au début, Jack est très jaloux, mais c'est un bon camarade. En plus, il aime que les gens soient libres. Alors, il s'efface devant la belle relation qui unit les deux femmes pirates. Les affaires vont bien pour le Revenge. La joyeuse bande de loubards des mers règne en maître sur les Caraïbes. Ils s'en prennent à des navires de plus en plus gros. Dans les cales, les trésors s'accumulent. Rackham est ravi. Bonnie et Reed, elles, ne voient pas tout ça d'un très bon œil. Elles sont inquiètes. Et s'ils finissaient par se faire repérer? Tu veux mon avis? Elles ont bien raison. Le gouverneur des Bahamas en a assez. Il voit tout rouge. Il veut leur peau. Il lance le capitaine Jonathan Barnett à leur poursuite. Sa mission? Les arrêter. Mort ou vif. Barnett est fortiche. Il retrouve très vite leurs traces. Le Revenge est repéré. Il l'attaque aux aurores. Vite, Anne et Mary sonnent l'alarme. Mais les pirates, une fois de plus, ont trop picolé la veille. Complètement sous, ils émergent péniblement de leur vapeur de rhum. Même Rackham a du mal à tenir debout. Bonnie et Reed se battent comme des tigresses. Elles donnent des coups de sabre à tour de bras. Autour d'elles, leurs camarades tombent un à un comme des mouches. Elles pleurent de rage. Purée, c'est pas vrai! Elles ne vont tout de même pas se faire prendre à cause d'une vieille bande de sacs à vin! C'est un carnage, une tragédie, un spectacle triste à pleurer. Les pirates sont tous faits prisonniers. À leur retour sur la terre ferme, ils sont jugés et condamnés à la pendaison. Tous, sauf Anne et Mary qui prétendent être enceintes. Est-ce vrai? Est-ce faux? On ne sait pas. En tout cas, elles échappent à la mort. Avant de se faire passer la corde au cou, Rackham veut dire adieu à sa douce. Anne refuse. À travers la porte qui les sépare, elle lui lance une de ses fameuses phrases comme un boulet de canon. Rackham, si tu avais combattu vaillamment, tu n'aurais pas à mourir comme un chien. C'est vrai que ce n'est pas très sympa pour les chiens, mais entre nous, franchement, c'est bien envoyé. Après ça, ce qu'elles sont devenues, Anne et Marie, on n'est pas très sûr. Elles ont sûrement refait leur vie, là-bas, quelque part, dans les îles. Si tu te destines plus tard à embrasser la carrière de pirate, et personnellement, je t'y encourage, il faut que tu saches qu'il existe un code d'honneur, une sorte de règlement qu'il faut absolument respecter sous peine de s'attirer de très sérieux problèmes. Ce règlement s'appelle le code des pirates. Il contient 11 règles, je ne vais pas toutes les citer, mais seulement quelques-unes. Les pirates peuvent donner leur avis sur les affaires importantes. Vachement bien. Ensuite, il est interdit de quitter le navire lors d'un combat. Ça me semble tout à fait normal. Il est interdit également de frapper un camarade pirate à bord. Bah voyons, il ne manquerait plus que ça. Les musiciens ont le droit de se reposer le dimanche. Merci pour eux. Enfin, aucun pirate n'est autorisé à changer de vie avant que tout l'équipage ait fait fortune. Bah oui, c'est la solidarité. Tu connais maintenant 6 des 11 règles du code des pirates. Les 5 autres, je ne manquerai pas de t'en parler, bien sûr, dans un autre bonus.